Chapitre 60, séance orageuse. Néanmoins, Paulin Broquet, éclaboussé, crotté comme tout bon bourgeois de Paris, ville lumière et ville boueuse, sans plus tarder, évitant de se laisser happer par les autos qui prennent les places pour autodrome et les rues pour pistes de course, Paulin Broquet s'en alla chez son ami, patron du café de l'avenue de Wagram. Il put, en toute tranquillité, donner par téléphone de nouveaux ordres à ses hommes. Une demi-heure après, deux bons gros sergents de ville se promenaient aux alentours du Stella Palace. L'un de ces sergents bons enfants était Gabriel, l'autre, un homme de la brigade, Tota. Il surveillait le palace. Plus loin, un cycliste arrangeait, ou faisait semblant d'arranger, sa machine, tout en ne perdant pas de l'œil la porte du Stella Palace. Ce cycliste était l'amorce, qui se tenait prêt à sauter en selle et à courir derrière le cycliste, le chasseur du Stella Palace, à le pister, à savoir où il allait, enfin à préparer son arrestation. Mais Gabriel et son compagnon firent pendant longtemps les 100 pas aux alentours du palace, sans qu'aucun événement demandât leur intervention. Et c'est en vain que l'amorce attendit le passage du cycliste brun, il ne parut point. Le chasseur devait d'autant moins se montrer qu'en ce moment, il se trouvait dans le salon mis à la disposition d'Otto Friedenstrasse et de ses amis. Ce salon se trouvait dans l'angle de l'hôtel donnant sur les Champs-Élysées. Nous avons vu autrefois le colossal allemand Otto Friedenstrasse envahir le balcon et insulter de prussienne façon un régiment français qui passait, alors que le japonais Osaka saluait le drapeau où dans les plis tricolores se lisait un nom qu'en signe d'or portait aussi le drapeau du soleil levant. Otto Friedenstrasse avait, comme chaque fois, essayé la fragilité des meubles made in Germany avant de confier sa colossale personne à un fauteuil. À peu près rassuré maintenant, il écoutait le maître, Will Wilson, qui parlait. Mais tout en écoutant, il dévorait des yeux le petit chasseur, le cycliste brun, et lui adressait une grimace, une contraction de sa lourde mâchoire saxonne qui était son sourire. « À cette réunion, disait le maître, vous remarquez, messieurs, qu'il manque quelqu'un. Il manque Madame Garitza. Madame Garitza ne pourra plus assister à nos réunions. Nous ne pourrons plus employer Madame Garitza. On l'a conduite ces jours-ci à sa dernière demeure. Dans le cortège qui l'accompagna au cimetière, aucun de nous ne se trouvait officiellement, mais seulement des gens à nous chargés de nous renseigner, de nous dire comment les choses se sont passées. Mais par contre, messieurs, il y avait dans le cortège, fort nombre d'ailleurs et des plus affectés, quelques personnes dont le nom que je vais vous citer vous édifiera sur bien des choses. Il y avait naturellement l'inconsolable amoureux, le colonel de Fongrive. Après le colonel de Fongrive, qui conduisait le deuil, venaient le capitaine Malter, le capitaine de la Rochardie et son ami le capitaine de Montgomery, ainsi que M. Simonet, qui, convalescent, tint cependant à rendre hommage à une femme qu'il ne connaissait même pas. Il y avait encore Miss Hayden, chez qui Mme Garitza rendit le dernier soupir. Il y avait Paulin Broquet. Ce nom seul fit tressaillir toutes les personnes présentes. Et même le colossal Otto Friedenstrasse oublia d'envelopper le petit chasseur de son teutonique sourire pour tourner vers Will Wilson des yeux inquiets. Paulin Broquet. Pourquoi Paulin Broquet se trouvait-il à l'enterrement de Mme Garitza? À quel titre? Parce que Mme Garitza, qui devait nous servir, qui était des nôtres, appartenait à Paulin Broquet. Otto Friedenstrasse éleva ses poings énormes. Un traître? Cette femme nous trahissait? C'est une atrocité! C'est une infamie! Aussi, messieurs, a-t-elle été punie? Bravo! Ici, devant vous, je l'avais menacée d'un châtiment sévère si elle ne nous obéissait pas. Madame Garitza ne tint pas compte de mes avertissements. Elle se croyait garantie, protégée par son allié, son autre maître, Paulin Broquet. Alors, pour lui montrer que nous étions les plus forts, et que Paulin Broquet ne pouvait rien contre nous, je l'ai condamné. Quelques jours après, elle mourait d'une façon épouvantable, d'un mal contre lequel la science du célèbre docteur Montreuil, Robert Montreuil, s'est trouvée impuissante. Je crois que l'exemple sera profitable. Ça, c'est très bien, déclara Otto Friedenstrasse. Je demande à l'Assemblée de voter à main levée si elle approuve mon acte. Toutes les mains se levèrent. Même la main fine du petit chasseur, la main de la comtesse Varsovia. Et ce simple geste, pour qui on comprenait l'importance, était un geste d'horreur, était effroyable. Un seul homme ne leva pas la main, le japonais. Will Wilson lui lança un coup d'œil, mais le baron Osaka n'eut aucunement l'air de s'en soucier. Il alluma tranquillement une nouvelle cigarette. Alors Will Wilson n'insista pas, il reprit. « Vous remarquerez aussi, messieurs, que la comtesse Varsovia ne met pas aujourd'hui le charme de sa blondeur exquise parmi nous. La comtesse est maintenant un petit garçon, un chasseur brun, un cycliste du Stella Palace. « J'ai remarqué, » fit Otto Friedenstrasse. « Oui, j'ai remarqué, je trouve qu'en cycliste, la comtesse a plus de charme. » Il allait sans doute faire entendre quelque autre compliment, quelque gracieuseté teutonne. Les Allemands ont ce malheur de vouloir tout colossal. Quand ils croient lancer un mot d'esprit, ils envoient au lieu d'un grain de sel, un bloc, un pavé. Fort à propos, Will Wilson lui coupa la parole. « Il faut aussi que vous sachiez pourquoi la blonde comtesse Varsovia est devenue groom, cycliste au Stella Palace. » Dans l'affaire de l'opéra, la comtesse, avec son habileté, son courage, parvint à glisser dans les poches de M. Simonet les documents dont notre maître Zygomard s'était emparé dans le cabinet du ministre des Affaires étrangères de France. De cette façon, il fut prouvé que si on avait pris et arrêté notre ami, le jeune Reynaud, les fuites continuaient. De cette façon, il fut prouvé au ministre que le véritable traître n'était pas celui qu'on avait pris, mais celui qu'il fallait maintenant arrêter, M. Simonet, porteur des papiers dont il avait la garde, arrivé la veille d'Angleterre et livré le soir même à l'Allemagne. « Très bien !» appuya Otto Friedenstrasse. « Bien joué ! C'est un beau coup de Zygomard, le maître à tous !» Après cette affaire, dis-je, reprit Wilson, il arriva que Paulin Broquet soupçonna la comtesse Varsovia. Il faillit la prendre chez M. Simonet. Fort heureusement, là encore, notre maître Zygomard avait pris ses précautions et il joua Paulin Broquet. Non seulement la comtesse parvint à s'échapper, ne laissant à Paulin Broquet que son parfum blond, mais Zygomard arracha des mains des lieutenants du détective un de ses hommes qui s'était dévoué pour favoriser la fuite de Madame Varsovia. Très bien. Et si ce jour-là Gabriel et Lamorce n'ont pas été rôtis vivants, ce n'est pas de la faute de Zygomard, mais de l'essence de l'auto qui s'enflamma trop tard. C'est dommage, fit Otto Friedenstrasse, qui seul parlait, croyant exprimer l'opinion des autres membres de l'assemblée. Après cela, la comtesse dut disparaître, et comme nous avons encore besoin de ses services, nous ne pouvions pas la laisser aller bien loin. Alors, messieurs, elle occupe ici, au Stella Palace, un appartement comme voyageuse, et elle tient comme groom, comme cycliste, l'emploi dont vous voyez le costume qui lui va ravir. Otto Friedenstrasse appuya fortement et essaya encore de placer son colossal compliment. Il n'en eut pas le temps, Will Wilson reprenait. Il faut pour l'affaire prochaine que la comtesse puisse aller et venir incessamment, sans contrainte, sans éveiller de soupçons dans tout l'hôtel à n'importe quelle heure. Comme voyageuse de marque, elle a certains droits, et comme cycliste groom, elle peut se faufiler là où on l'en trouverait, sans aucun doute étrange de voir une femme se montrer. « Ça, c'est une bonne idée !» s'écria Otto Friedenstrasse. Or, messieurs, dans quelques jours, notre ami McBinkerton, le plus grand des détectives anglais, ainsi que vient de me le faire connaître notre compagnon MacRillian, va accompagner en France, pour le mettre à l'abri de toute tentative de Zygomard et autres, le fils aîné du Raja de Mysore, dont la fortune est féerique. Le maître ici en secret dans cet hôtel, c'est le maître de nos mains. Vous comprenez ? Un rire général accueillit ces derniers mots. Otto Friedenstrasse pousse un « Or, or !» à l'adresse du merveilleux Zygomard. Seul le japonais Osaka ne sourit point et s'enveloppa d'un nuage de fumée blonde. Will Wilson reprit « Personne ne peut reconnaître la comtesse dans ce cycliste. Non, non, pas même Paulin Broquet, j'en ai la preuve, car la comtesse, en tant que cycliste, est passée devant le nez du fameux détective et comme à ce moment il n'avait pas sa loupe merveilleuse, il n'a pas pu la deviner. » De nouveaux rires appuyèrent cette déclaration. « Seulement, reprit Will Wilson, je dois recommander à la comtesse un peu plus de prudence. Il ne faut pas qu'elle pousse son rôle de chasseur à l'extrême. « Comment cela, maître ? » demanda la comtesse en minaudant. « Vous n'allez encore qu'en bicyclette. Vous n'avez pas le droit d'écraser les bons bourgeois de Paris. Attendez pour cela d'aller en auto. Vous avez tout à l'heure failli recevoir un coup de parapluie. » La comtesse Groom se mit à rire. « Oh, un coup de parapluie, » dit-elle, « ce n'est pas bien dangereux. »« Si, plus dangereux que vous ne le supposez, quand le bon bourgeois qui vous le donne est Paulin Broquet. »« Paulin Broquet !» s'écria la comtesse cycliste, cessant cette fois de rire. et tous les autres, soudain pâles, anxieux, même le colossal Otto Friedenstrass, répétèrent « Paulin Broquet ». Seul, dans cet affolement, le Japonais cligna un peu plus ses yeux bridés, froidement railleurs, et se mit à sourire. « Mais alors, » fit Otto Friedenstrass, « si Paulin Broquet rôde aux environs, il surveille peut-être le Stella Palace, il nous guette. Qu'importe ! Ici, nous sommes absolument tranquilles, et comme toujours, Paulin Broquet en sera pour ses frères de filature. » La meilleure preuve, c'est qu'il n'a même pas pu reconnaître qui était le gouailleur cycliste. Il n'a rien deviné. Il est dans la rue, nez au vent, exerçant son air, et se croyant bien à l'abri sous son déguisement, alors que nous le connaissons. Que des hommes à moi le filent à son insu. « Oui, oui, » dit alors Otto Friedenstrass, cherchant à se rassurer tout à fait. « Oui, encore une fois, nous aurons joué le terrible Paulin Broquet. » À ce moment, il se produisit un incident des plus caractéristiques. « Pardon, » dit tout à coup le Japonais en levant la main, « je demande la parole. »« Vous l'avez, » dit Will Wilson, qui ne put malgré tout cacher son étonnement. « Parlez, Baron Osaka. »